L'ego, l'âme et l'esprit. Avertissement, par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute! L'ego est ce qui apparaît au moment de la naissance de l'individu, lorsqu'il est séparé du corps de sa mère et qu'il prend sa première respiration. Il est issu d'un corps physique de nature animale qui fonctionne de manière autonome. L'ego se développe en parallèle à sa perception des cinq sens, soit la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat et le toucher. L'âme, c'est vous qui entendez ces paroles et qui animez votre corps physique. L'âme s'avère une partie de l'esprit qui va s'incarner dans la matière et qui peut se réincarner en s'y projetant de nouveau. L'intelligence de l'âme se développe au fil de ses expériences d'incarnation, tandis que celle de l'ego croît depuis le moment de la naissance du corps physique s'y rapportant. L'âme peut se réincarner à la différence de l'ego qui n'a qu'une vie prenant fin avec celle du corps physique au moment de sa mort. La plupart des gens présentement sur Terre sont des êtres étant issus d'âmes qui se sont réincarnés. Par contre, en général, ils ne se rappellent plus de leurs vies antérieures parce que cela serait plus nuisible qu'utile pour eux. Beaucoup d'entre eux n'ont pas la stabilité mentale pour absorber ce type d'information sans devenir dysfonctionnel en société. Souvent, les gens ont de la difficulté à intégrer les événements difficiles de leur vie présente. Ainsi, de leur demander d'être capable d'assumer des événements de leur vie passée sans devenir dysfonctionnel serait trop leur demander pour beaucoup d'entre eux. Par exemple, si un homme devient dépressif pendant plusieurs mois parce qu'il apprend que sa compagne est morte dans un accident d'automobile, illustre que cet événement est difficile à intégrer pour lui. Si en plus, il réalise que dans une autre existence, il avait été témoin de la mort de sa femme, brûlé sur un bûcher au Moyen Âge, parce que les gens de l'époque croyaient que c'était une sorcière, cela pourrait être encore plus pénible à assumer par sa conscience actuelle. Donc, les mémoires de vie passée sont en général voilées, étant donné qu'elles seraient susceptibles de créer des chocs dans la vie présente de gens qui les empêcherait d'accomplir ce qu'ils sont venus faire sur Terre selon leur plan de vie. Il est plus souhaitable que les individus soient capables de travailler et de vivre en couple plutôt que d'être confrontés à des mémoires qu'ils ne seraient pas en mesure d'assumer et qui les amèneraient à sombrer dans la folie. Donc, ces mémoires doivent rester occultées pour beaucoup de gens. L'esprit est la partie de vous qui réside sur un plan d'énergie au-delà de la matière et qui a accès au savoir instantanément. C'est une énergie de nature cosmique qui présente une autonomie de conscience. L'esprit n'est pas limité dans sa perception de la réalité. Sa perception de la réalité est multidimensionnelle. Durant la période de l'involution, l'âme a perdu contact avec l'esprit pour développer une conscience corporelle et une maîtrise très poussée du corps physique. Cette dernière n'aurait pas pu se développer autrement, car c'est en ayant été privée du contact avec sa contrepartie cosmique qu'elle a développé au maximum son usage des cinq sens. Ainsi, si l'âme dans un corps physique n'est plus alimentée en information par l'esprit, elle va être obligée d'utiliser les cinq sens pour percevoir son environnement. Par exemple, elle va utiliser les yeux du corps de chair dans lequel elle réside pour voir ce qui se passe alentour de l'endroit où elle est. Donc, durant l'involution, il y a une période de descente de l'énergie de l'âme dans la matière qui se sépare de l'esprit et qui diminue son taux vibratoire. Cette situation fait en sorte qu'elle devient inconsciente de sa source, mais en même temps, elle l'amène à développer une très grande conscience du corps physique. Beaucoup d'âmes se sont tellement identifiées au corps physique qu'elles en sont venues à la conclusion qu'elles ne sont qu'un corps physique et ont développé une conscience qui n'est que matérialiste. Durant la période de l'évolution, l'âme va reprendre contact avec l'esprit à travers le processus de la fusion qui va être entamé par ce dernier pour que ces deux éléments qui ont été séparés depuis longtemps soient réunis de nouveau. Ainsi, l'évolution est une période où le taux vibratoire de l'âme est rehaussé par le contact avec l'esprit, ce qui la rend disponible à supporter de plus en plus la présence de sa vibration pour l'intégrer. Voilà ce qui complète à présent la lecture du texte se rapportant à l'ego, l'âme et l'esprit.